بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تابع أثارهم فما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأخذنا في الدرس السابق دخلنا في نواقض الإسلام. Et entre parenthèses, j'avais oublié ça, Nawaqid al-Islam, ça peut rentrer dans quatre aspects. C'est-à-dire au niveau du fi'l, de l'action. Comme celui qui fait un sujoud, li'ghayrillahi azza wa jal. Donc ça peut être par une action. Ça peut être par une parole. Celui qui insulte Allah, celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui, qui implore un autre qu'Allah azza wa jal, tout ça, ça fait partie de Nawaqid. MashaAllah wa shi'at mathalan, et n'am. Enfin, tout cela, ça fait partie du quoi? Al-Nawaqid al-Islam, al-Qawliya, celles qui font partie des paroles. Ou ça peut être kadalika avec une i'tiqad. Il i'tiqad qu'un autre qu'Allah, comment ça s'appelle, yarzouk, wa yakhlouk il-akhirihi. Ou bien aussi kadalika bishak. Comme si jamais il a un doute, comme on a pu voir, min shurut la ilallah, al-yaqin. On a pu voir que parmi ces conditions-là, al-yaqin. Donc celui qui a un doute dans la religion, tu vois, celui qui a un doute dans la religion, qui a un doute que la prière est obligatoire, qui a un doute que il y a des choses qui sont ma'lumun ad-din bid-darura, qu'Allah azza wa jalla il a fait sama, tamam. Tout ce qui est, il y a toutes les choses où il lui est demandé d'avoir l'yaqin, qui sont connues dans l'islam, il y en a que personne n'ignore, et qui a un doute sur cela, et ça, kadhalika, ça fait partie des nawaqid al-islam. Donc là, nawaqid al-islam, ça peut rentrer dans quatre aspects. Donc al-fi'l, al-qawl, al-i'tiqad ou bien al-shak. Là, lorsqu'Allah dit inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, il ne pardonne pas à celui qui l'aura associé. Il ne va pas lui pardonner fi dunya ou bien fi l'akhira. Fi l'akhira, c'est celui qui sera mort sur cette association-là, dont Allah azzawajal ne pardonnera pas. Donc là, ça nous montre, cette ayah nous montre que le shirk billahi azzawajal fi al-akhira, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas. Et en dehors de cela, il pardonne. Yani c'est sous sa volonté. S'il veut, il pardonne. S'il veut, il ne pardonne pas. Mais en tout cas, le shirk, Allah azza wa jalla, fil akhira, celui qui est mort sur cela, il ne pardonne pas ce péché-là. Donc ça montre déjà, c'est un grand péché. En vérité, cette ayah-là, on ne peut pas la prendre pour dire que c'est un naqid, min nawaqid de l'islam. Ça nous montre que Allah azza wa jalla ne pardonne pas ce péché-là. Parce que le shirk al-asghar, kadalika, il ne le pardonne pas, le sahih, yani, il ne le pardonne pas fil akhira. Fil akhira, il ne le pardonne pas. Mais, si jamais il ne pardonne pas, il reste encore un autre sebab, yani, pour s'en sortir de radab Allah azawajal, c'est quoi? C'est al-shafa'a. Donc, ce n'est pas toute personne qu'Allah azawajal ne pardonne pas qu'il est forcément kafir. Yani, fil akhira. Il peut ne pas lui pardonner, lakin, après, il reste encore une autre cause pour le purifier. C'est al-shafa'a. Et si jamais al-shafa'a, kazalika, la tanfa', yani Allah Azza wa Jal, il ne donne pas l'autorisation de cette shafa'a-là, il reste encore une autre cause. Pour celui qui est musulman, mouhid, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer en enfer. Et il le purifie par l'enfer. Donc c'est pas toute personne dont Allah Azza wa Jal ne pardonne pas fil akhira qu'il est forcément kafir. Donc cette ayah-là, en vérité, fil haqiqa, lorsqu'on regarde bien, et lorsqu'on essaie de déduire, on voit qu'il y a un petit problème, yani, par rapport à. Au fait de dire que cette ayah-là montre que al-shirk, ça fait partie des nawaqid al-islam. C'est clair, ça fait partie des nawaqid al-islam, mais cette ayah-là, elle ne le montre pas. Mais la seconde, si jamais tu dois prendre un dalil, tu apprends ce dalil-là. Le dalil, la deuxième ayah. La deuxième ayah, mashallah, celle-là, elle est wadiha. Elle est claire, nette et précise, elle montre que al-shirk, ça fait partie des nawaqid al-islam. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Donc Allah عز وجل nous montre bien dans cette ayah là qu'il ne pardonne pas le shirk. Alors comment on peut voir ce shirk qui est akbar? Pourquoi? Parce qu'il a dit le jannah il est عليه haram, interdit de rentrer au jannah. Donc s'il ne rentre pas au jannah, c'est que c'est un kafir. بالله عز وجل. ومأواه النار, son refuge c'est l'enfer. كذلك, c'est-à-dire qu'il n'en sort pas, il reste dedans éternellement. Donc ça aussi كذلك, ça montre que quoi? C'est un kafir. بالله عز وجل. قال وما للظالمين من أنصار يعني بمعنى شفيع il n'aura pas d'intercession. Donc tout cela, ces trois choses là nous montrent que celui qui est voulu ici, c'est celui qui a fait du shirk akbar et que c'est un kafir billahi azza wa jal. Donc ça nous montre que le shirk, l'iman mata ala zalika, comme on a pu voir, celui qui meurt sur cet acte-là, le shirk qui est akbar, ça fait partie des nawaqid d'islam. Donc ça nous montre que ça fait partie des nawaqid d'islam. Ensuite, il avait dit, rahimahullah, et c'était là qu'on s'était un peu coupé, donc on va reprendre ici, inshallah. قال ومنه الذبح لغير الله عز وجل كمن يذبح للجن أو للقبر. Ensuite, il a donné un exemple. الشرك في العبادة. Et comme on a pu voir, l'ibada, كثيرة جدا. Il y a plein d'exemples dans l'ibada. Donc le fait كذلك qui vient et qui choisit cet exemple-là, c'est pas pour rien, c'est pas anodin. الشيخ النجدي. C'est que والله أعلم, comme il évoque كثير يعني dans ses كتب, que le ذبح لغير الله عز وجل, c'est une chose qui est courante. Donc là, il fait un petit envy par rapport à ça. Sinon les ibadat فيها كثيرة السجود لغير الله تام الدعاء لغير الله إلى آخره. فهنا قال ومنه ذبح لغير الله. Et le ذبح لغير الله ça peut être un naqid min nawaqid l'islam بوجهين, par deux aspects. Si jamais il évoque un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans la tasmiya, lorsqu'il prononce le nom, on doit prononcer le nom d'Allah عز وجل كما قال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لا يذكر اسم الله عليه. Et ne mangez pas d'une chose dont le nom d'Allah n'a pas été évoqué. Donc le fait que là, il n'évoque pas le nom, la zabiha, on ne peut pas la manger. Hatta les ulamas ont dit, même si jamais il a oublié, ça peut arriver. Il veut zabh, et il a oublié de dire bismillah. Il voulait faire pour Allah azzawajal, saniya billillahi azzawajal, lakin nasiya, il a égorgé directement, il s'est précipité, il a oublié de dire bismillah. Le hukm al-zabiha, ikhtalaf al-ulama. Est-ce qu'on peut la manger ou pas? Ikhtalaf fi, wa sahih anahu. La ya'kuluha, il la mange pas. Même si jamais il a oublié, yani, il l'a pas fait exprès, il n'aura pas de péché, lakin, on ne peut pas le manger par rapport à la ayah. Wa la ta'kulu mimma la yuzkar ismullahi alayhi. Donc le nom d'Allah Azza wa Jalla n'a pas été évoqué, donc on ne peut pas la manger par rapport à cette ayah-là. Ça, c'est l'avis qui est le plus prépondérant, et c'est ce qui évoque Cheikh Yahya, hafizahullah ta'ala. Baqiya al-an, on rentre dans la mas'ala. Si jamais al-an, il prononce un nom autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il dit, Bismi Abdel Qadir. Tam al-Jilani, ou Bismi Fulan, Aïdaros et l'Akhiri, yani parmi les divinités qu'ils adorent en dehors d'Allah Azza wa Jal. S'il dit Bismi Abdel Qadir al-Jilani, il intentionne cela, yani yanwi lillahi Azza wa Jal, il veut faire cette zabiha pour Allah Azza wa Jal, lakin yusammi ghayr Allah, il prononce un nom autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le jugement de cette zabiha là? On ne peut pas la manger, ça c'est clair et net. Là, il n'y a pas de khilaf. بين العلماء لكن الان ما حكم الذابح celui qui a égorgé, quel est son jugement? هذا كافر بالله. Pourquoi? Parce que الان il a dit bi والبا هنا بمعنى الاستعانه. Lorsqu'on dit bismillah, on veut égorger بمعنى استعين بالله في الذبح, j'implore l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour égorger. Donc le fait qu'il a dit اي استعين بعبد القادر الجيلاني فاذا فهذا c'est le shirk بالله عز وجل. قال سبحانه وتعالى اياك نعبد واياك نستعين. On adore Allah Azza wa Jal uniquement, et kadalika, on demande l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les choses dont il a voulu qu'on ne demande l'aide qu'auprès de lui, ça doit être fait qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hauna, tu ne peux pas dire bismi et tu évoques le nom d'une autre personne, ça c'est l'istihana. C'est-à-dire, si jamais, c'est comme si jamais tu prenais l'istihana d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est du shirk fiesh fi al-ibadah. لأن الاستعانة هي لله سبحانه وتعالى وإذا استعنت فاستعن بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الترمذي. Même si jamais il intentionne Allah, lakin il prononce un autre nom qu'Allah عز وجل, ça c'est du shirk في التسمية. Et si jamais مثلا il dit بسم الله, il prononce le nom d'Allah عز وجل, lakin ينوي لغير الله, il intentionne cette offrande pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il prononce le nom d'Allah azza wa jalla, lakin il recherche à travers cette zabiha l'agrément de Abd al-Qadir al-Jilani ou bien Aïdaros ou bien les divinités qui sont connues chez eux. Hada kadhalika c'est du shirk yani fi an-niyya. Hada kadhalika c'est du shirk yani fi an-niyya fi al-qasd. La'ana al-an al-ibada li pas mukhlisa lillahi azza wa jalla. Ala lillahi ad-din al-khalis. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Et ça c'est pas du ikhlas, parce que là il y a un partage. Donc yani qu'il prononce le nom d'une autre personne ou bien qu'il intentionne un autre qu'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il égorge, les deux ça fait partie du shirk. Un c'est shirk fi tasmiya et l'autre c'est shirk yani fi qasd, yani dans l'intention. Et les deux c'est du shirk. Amma si jamais il prononce le nom d'autre qu'Allah Azza wa Jalla wa yaqsud ghayra Allah, bah là c'est du shirk yani dans les deux catégories. Donc au zabh c'est du shirk billahi azza wa jalla à partir du moment que qasada ghayr Allah, si jamais l'intention est un autre qu'Allah, ou bien samma ghayr Allah azza wa jalla muta'ammidan, tout cela yani volontairement, tout cela si jamais le fait volontairement. Et la dalil qui nous montre que dhabh c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, yani c'est une ibadah qui est pour Allah azza wa jalla. قل سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي la prière ونسكي النسك c'est ça l'offrande يعني ce qui il égorge tam يذبح قال وحياتي ومماتي لله رب العالمين ma vie et ma mort sont voués par Allah سبحانه وتعالى فلا évoquer هنا سبحانه وتعالى النسك tam قل إن صلاتي ونسكي فالنسك لله عز وجل. Donc si jamais ça appartient à Allah Azza wa Jal, si jamais on le donne à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk. Comme l'a évoqué ici. Al-shirku fi ibadatillahi ta'ala et min al-ibadat al-dhabh. Huwa lillah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha kana li ghayrillahi Azza wa Jal, c'est du shirk. Naham. Fasalli li rabbika wanhar kadhalika. Yani parmi les ayats qui montrent que al-dhabh, c'est une ibadah qui doit être donnée à Allah Azza wa Jal. Fasalli li rabbika صلي لربك وانحر اي وانحر لربك وانحر c'est le fait de poignarder la chamelle yani la manière de tuer la chamelle yani pour l'offrande c'est pas un zebh lakin c'est un nahr le fait de poignarder dans son par l'œsophage ou bien la partie qui est connue المهم donc ça fait partie du quoi du shirk ça fait partie du nawaqid al-islam ash-shirku fi al-ibada wa al-ibada hiya kathira jiddan naham قال كمن يذبح للجن أو للقبر pour n'importe qui qu'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ça devient du shirk. قال رحمه الله تعالى قال الثاني من جهل بينه وبين الله وصائد يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا il a dit رحمه الله تعالى le deuxième naqid qui est beaucoup propagé dont les ulama sont tous unanimes que c'est de la mécréance celui qui met entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala un intermédiaire. Lakin, ce qui est voulu par l'intermédiaire ici, dans l'ibadah. Dans l'ibadah. C'est-à-dire que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il passe par l'intermédiaire d'une personne. Amma al-Nabi sallallahu alayhi wa c'est un intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est impossible de comprendre la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendue, excepté par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que min shahadati anna Muhammad rasulullah wa an la yu'bad Allah illa bima shara. Yani parmi les conditions de Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par yani, les choses dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. C'est-à-dire yani, d'adorer Allah azza wa jal par le suivi du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Donc là, on amène un intermédiaire entre nous et Allah azza wa jal. Lakin cet intermédiaire-là, ce n'est pas un intermédiaire shirki. On le suit, on fait comme il a fait. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le suivre. Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhu. وما نهاكم عنه فانتهوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوا النبي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم غير ذلك من الآيات التي تدل que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être suivi et c'est un intermédiaire qui nous permet d'avoir la bonne compréhension de l'ibada et de l'islam afin qu'Allah azza wa jalla l'agrée. Lakin ce qui est voulu ici par l'intermédiaire c'est une autre chose, c'est du shirk billah, yani vous appelez ça al-qurba ou ils ont appelé ça يعني, الشفاعة, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala dans Al-Qawahid Al-Arba'a, c'est-à-dire qu'ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala des awliyas comme ils disent, des alliés comme des salihin qui sont morts sur une bonne fin et eux ils pensent que leur ibadat elle ne peut être acceptée que par cet intermédiaire là qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'écoute pas leur dua et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais accepter leur ibadah, excepté si jamais ces gens-là les aident. Excepté si ces gens-là, ils les aident. Ça, c'est une chose, yani, c'est une bid'a, yani, fi l'islam. Parce que ni sahaba, ni tabi'in, ils ont fait ce genre de choses-là. Lakin, zadu ala zalika, c'est que habadu. Ils ont adoré ces personnes-là, ces personnes qui sont mortes. Ces awliya, comme ils disent, qui sont morts. Ils les ont adorés. Da'awhum. Ils leur ont demandé des choses dont Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à pouvoir exercer parce qu'ils n'entendent pas ces intermédiaires-là qui sont morts. Ils ne sont pas capables aussi qu'à les cas d'exécuter la demande. Ils ne sont pas moujoud. Et ça fait partie du shirk. Non, lorsque tu demandes une chose à quelqu'un, ça devient du shirk à partir du moment qu'il n'est pas qadir, il n'a pas la capacité de pouvoir exécuter cela, il n'est pas moujoud, il n'est pas présent, tu demandes une chose à une personne et il n'est pas présent, ça rentre dans le shirk. Ou bien, si jamais il n'est pas vivant, il n'est pas présent et il n'est pas capable de pouvoir te donner ce que tu lui demandes, ta dua, ça devient du shirk. Ta demande, ça devient du shirk. Ton istihana, ça devient du shirk. Ton istirasa, ça devient du shirk. Mais si jamais tu demandes à une personne qui est haï, qui est vivante, et qui est moujoud d'aller devant toi, ou bien par l'intermédiaire des téléphones et tout, elle peut t'exécuter ce que tu lui demandes. Et elle est qadir. Comme tu vas dire à quelqu'un, prête-moi, tu lui demandes là, prête-moi de l'argent. Ou tu vas dire, aide-moi à construire ma maison. Al-an, ça fait partie de la demande, lakin qui n'est pas sharkia. Pourquoi? Parce que la personne, il est capable de le faire, il est présent, il est vivant. Lakin haoula, ils ont demandé des choses qui ne sont pas dans la capacité de ces personnes-là parce qu'ils sont mortes. Haoula al-awliya. Kama qala subhanahu wa ta'ala. In tad'uuhum la yasma'u du'a'akum. Si vous leur demandez, la yasma'u du'a'akum. Ils n'entendent pas votre du'a, vos invocations. Parce qu'ils sont morts. Qala walaw sami'u, et laissez entendre bien que ces personnes-là, ils entendent, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Qala walaw sami'u mastajabu lakum. Et si même ils vous entendaient, ils n'auraient pas exécuté vos demandes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de pouvoir exécuter. Qala wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum. Et yawm al-qiyama, ils vont se désavouer de votre adoration. Qala wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Yani, al-shahid, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a jugé de mécréance toute demande qui est faite à des personnes qui ne sont pas capables de pouvoir y répondre. Comme c'est le cas dans cette ayah-là. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Ils n'entendent pas. Walaw sami'u, et si même ils entendaient, walaw sami'u mastajabu lakum. Ils ne vous auraient pas répondu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas qadir. Ils n'ont pas la capacité. Qala wa yawm al-qiyamati yakfuruna bishirkikum. Donc il a évoqué que ça c'est du shirk. Demander une chose à une personne qui n'est pas vivante, qui n'est pas qadir, qui n'a pas la capacité et qui n'est pas présente, ça fait partie du shirk au billah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui est arrivé avec ces personnes-là. Al-wasa'it allati ubidat min dunillahi azza wa jal, ils ont adoré. Comme dhakara Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi, na'am. Qala subhanahu wa ta'ala walladhina ittakhadhu min dunihi awliya. Ceux qu'ils ont pris en dehors d'Allah Azza wa Jal des awliya, et dans l'adoration. Zabahu les awliya, parce qu'ils ont dit si jamais on est bien avec les awliya, mieux on sera avec l'intercesseur, et mieux l'intercesseur il va faire en sorte que notre demande auprès d'Allah Azza wa Jal va être acceptée. Faqalu walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, ma na'buduhum. Donc ils ont même eux approuvé qu'ils adoraient ces personnes-là. Ma na'buduhum illa liqarribuna. On ne fait que de les adorer afin qu'ils nous rapprochent le plus facilement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous, on a des péchés, c'est ce qu'ils prétendaient. On a des péchés, on fait des mauvaises actions, on a du taqsir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comment il va accepter de nous alors que notre situation est telle? Nous ne sommes pas des bons serviteurs. Lakin, eux, ils sont morts sur une bonne fin. Ils sont auprès d'Allah Azza wa Jalla. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les adorer et on va leur demander qu'ils fassent en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous. Yani, c'est comme si jamais ils avaient fait quoi? C'est un peu comme ça se passe fit dunya, c'est-à-dire que si jamais tu veux avoir accès au directeur, il faut que tu passes par les secrétaires. Si jamais la secrétaire mieux tu as des relations avec la secrétaire, mieux la secrétaire va faire en sorte que tu passes le plus rapidement, bien que ta demande sera acceptée, tu vois. Ou bien les wuzara. Tu veux al-wazir al-an, tu peux pas atteindre al-ra'is, tu peux pas atteindre le président, excepté si jamais tu passes déjà par les ministres, tu vois. Donc eux, ils ont placé ces personnes-là comme des ministres. Il y en a comme si jamais al-ibada, c'était un accès qui est fermé. Abwab mughallaqa, qu'on peut pas atteindre. On peut pas atteindre Allah Azza wa Jalla bil-ibada. Excepté si jamais on passe par des wuzara, et ces wazirs, ils vont venir et ils vont faire que. Yani qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous. Fadarabu lillahi l'amthal. Ils ont donné un mauvais exemple, une mauvaise métaphore à Allah subhanahu wa ta'ala. Shabbahu biyesh bil ru'asa. Alladhina la yustata'ani al-qurba minhum. ce dont on ne peut pas s'approcher. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi kitabihi wa idha sa'aka 'ibadi 'anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Il a répondu à Allah azza wa jalla qu'il est proche de lui, il entend. Lakin, quelle est la condition pour qu'Allah subhanahu réponde? Qala falyastajibu li. Lorsque moi aussi je l'appelle à la prière, je l'appelle à donner la zakat, je l'appelle à avoir un bon comportement, je l'appelle à être un bon musulman, il faut que kadhalika lui aussi réponde. S'il répond à mon appel, qui est al-ta'a, le fait de lui obéir, moi aussi kadhalika, je vais lui répondre. Falyastajibu li wa liyu'minu bi. Il faut qu'il ait l'iman et des amal qui sont salihah. Et moi, kadhalika, je vais lui répondre, je vais tout lui donner. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Inna allazi yastakbiruna 'an 'ibadatihi sayadkhuluna jahannama madakhirin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, demandez-moi afin que je vous donne. Demandez-moi afin que je vous donne. Enfin, ces ayats-là nous montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'accès à Allah subhanahu wa ta'ala bil ibada, il n'est pas fermé, au contraire. Allah azza wa jalla, il est proche. Fahoula, yani ja'alun subhanahu wa ta'ala ba'idan. Ils l'ont placé, yani, très très loin. Et ils ont mis la ibada comme si jamais c'était une chose, yani, à laquelle on ne pouvait pas avoir accès. Enfin, on ne peut que passer par des intermédiaires. Fa'abadu min dunillah azza wa jalla. Ils ont adoré. Et l'ibada, c'est que l'Illah subhanahu wa ta'ala. L'ibada, c'est l'Illah azza wa jal. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. On prend l'ayah. Wallathina attakhadhu min dunihi awliya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allaha yahkumu baynahum. Yawm al-qiyamati fi makanu fi yakhtalifun. Inna Allaha la yahdi. Man huwa kadibun kafar. Az-Zumar, le verset numéro 3. Allah subhanahu wa ta'ala a jugé de ces personnes-là de deux choses. Que Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les personnes qui sont des menteurs et qui prétendent que on peut adorer qu'Allah azza wa jalla qu'avec les awliya. Et qala que hawla c'est des kuffar, que la chose dont ils ont fait c'est du kuffar. Inna Allah la yahdi man huwa kadibun kaffar, kadibun qui prétend qu'on peut que l'adorer avec les awliya, wa kaffar et anahu c'est un kafir par rapport au fait qu'il a adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça nous montre que c'est bien naqid min nawaqid l'islam, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a jugé que c'est de la mécréance. قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعم. كذلك إن آية عظيمة جدا. qui ne laisse aucun prétexte à celui qui prétend le shirk yani fi ibada. فقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. نعم. يعني invoquez ceux que vous prétendez qui sont des أولياء من دون الله ou bien ceux qui méritent d'être adorés en dehors d'Allah عز وجل. قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. الله سبحانه وتعالى الى بهذه الايه قطع كل الاحذار. Tous les faux prétextes qu'ils ont pu évoquer pour comment s'appelle s'autoriser d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla il a annulé tous ces prétextes là dans cette ayah là, ou plutôt dans ces deux versets là qui sont de sourate Saba, verset numéro 22 23, sourate Saba 22 et 23. فقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. Donc tous ceux qui sont adorant en dehors d'Allah عز وجل. قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. Pourquoi vous les adorez alors que ces personnes-là ne possèdent pas l'atome يعني d'une fourmi, certains ont dit, et d'autres ils ont dit c'est l'atome d'une poussière. ولكن الذي يظهر c'est l'atome d'une poussière et c'est pas d'une fourmi. الشيخ العثيمين dit c'est l'atome يعني ذرة, il dit c'est l'atome d'une fourmi. لكن ce qui évolue ici c'est l'atome يعني d'une poussière يعني. Une molécule, comme ils disent. Non. قال كل دعاء الذي كل دعاء الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. Donc si jamais tu adores une personne ou bien tu demandes une chose à une personne en dehors d'Allah, c'est parce que soit il possède ou soit il peut te nuire ou bien te donner profit. Allah عز وجل dit لا يملكون مثقال ذرة. Il ne possède pas, yani, ne serait-ce qu'une molécule, yani, de la terre et des cieux, dans la terre et les cieux. فلا يملك شيئا. Il est pauvre, il n'a rien. Donc pourquoi tu le demandes? لِمَادَ تَدْعُوهُ. Pourquoi tu l'invoques? Alors, il ne possède rien. قَالَ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرْكٍ. Peut-être qu'il ne possède pas, لَكِنْ il a une part d'association dans la création. تمام. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرْكٍ. Ils n'ont pas d'associé. يعني Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas leur associé. فَقَالَ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Yani peut-être qu'ils n'ont pas une part dans la source, dans la création ou bien dans l'adoration, lakin c'est possible que Allah subhanahu wa ta'ala les a pris comme aide. Tamam. Yani eux ils ont un rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah azza wa jalla yani il prend l'aide auprès de ces personnes là. Qala wa ma lahu et Allah azza wa jalla minhum min dhahir. Allah subhanahu wa ta'ala il a il ne prend pas ces personnes-là, il y en a comme aide, il y en a dans son royaume. Donc il y en a ces personnes-là, tu ne peux pas leur demander une chose, rien du tout, parce qu'ils ne sont rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne représentent rien auprès d'Allah. Thumma qala, le fait que maintenant ils ne possèdent rien, walaysa bi wazara, walaysa bi muta'awinina fil khalq, fa baqiya shay. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné un rang, et si jamais ils demandent l'intercession, il va leur donner l'intercession. Qala wa la tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman azina lah. Et l'intercession, ash-shafa'a, elle ne peut être profitable que si jamais Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'autorisation. C'est-à-dire que la personne qui veut faire shafa'a, il peut faire shafa'a que si jamais Allah accepte et lui donne l'autorisation. Donc si jamais tu demandes ash-shafa'a, demande-la à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui yamlik ash-shafa'a, comme qala fi ayatin ukhra. Qala kullillahi ash-shafa'atu jami'a. Dit à Allah Azza wa Jal, appartient l'intercession de manière totale. Fa'idhan, ils n'ont aucun udhr, ils n'ont aucun prétexte, ils n'ont aucune excuse lorsqu'ils adorent un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala après cette ayah-là. Cette ayah azima jiddan, elle ne laisse plus aucun prétexte au shirk. Fa'awala, c'est que des prétextes et c'est du mensonge comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Tam inna Allah la yahdi man huwa kadibun kafar. Donc ça nous montre bien par rapport à la ayah que c'est du kufr, kadibun kafar, et que ce qu'ils ont prétendu c'est du kadib. Lakin ils ont voulu tricher et dire que c'est pas du shirk, c'est shafa'a. Lakin c'est une shafa'a qui est quoi? Qui est shirkia. Comme les gens ils font maintenant avec le riba, ils changent le nom. Ils disent riba, non, c'est pas des intérêts, c'est pas du riba, c'est des intérêts. C'est une faïda. Il n'y a pas de faïda dans le riba. Ils ont changé les noms histoire que les gens acceptent. Pareil, ils ont voulu faire la même chose. Ils ont changé le nom du shirk pour dire c'est shafa'a. Non, ça c'est pas du shirk. Lakin hada c'est shafa'a. Ou bien c'est talab al-qurba. Lakin lorsque tu regardes bien, c'est du shirk. Shafa'a shirkiya, c'est une qurba shirkiya. C'est du shirk ou billah. Pourquoi? Parce qu'ils ont adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont demandé une chose en dehors d'Allah azzawajal dont ces personnes-là n'avaient pas la capacité d'y répondre. Donc c'est du shirk billah subhanahu wa ta'ala. فهذا سناقد من نواقض الإسلام واضح جدا هذا لا يختلف فيه العلماء وهذا يقع فيه كثير من الناس يعني beaucoup propagé au sein des gens. قال رحمه الله تعالى قال ومن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم والدعاء c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une عبادة. الدعاء العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء العبادة. أما الدعاء مخ العبادة c'est un حديث ضعيف. Lakin le hadith qui est sahih, ad-du'a al-ibada. La vocation, c'est l'adoration. Parce que toute adoration, elle est basée en vérité sur quoi? Sur la vocation. Donc, yad'uhum, c'est-à-dire abaduhum. Ils ont adoré. Et l'adoration, elle est pour qu'Allah, azzawajal. Qala wa yas'aluhum al-shafa'a. Et shafa'a, comme on a pu voir, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalik. Donc, kadhalika, ça c'est du shirk. C'est le fait d'avoir, c'est fi rububiyya, le fait d'avoir al-i'tiqad. Que غير الله عز وجل يملك الشفاعة كان نطق الله سبحانه وتعالى possède la shafa'a. Alors que la shafa'a elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Comme le khalq, la création elle appartient à Allah uniquement. Al-rizq, il appartient à Allah uniquement. Donc celui qui prétend qu'il y a un autre shafi'a auprès de, en dehors d'Allah عز وجل, ça كذلك ça fait partie de quoi? Du shirk. في الربوبية. في الربوبية. قال ويتوكل عليه. كذلك التوكل c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala عباده. التوكل هي عبادة لأن الله عز وجل يحبها. ويرضاها في يتوكل على غير الله عز وجل c'est-à-dire que يعني يفوض الامر الى غير الله تمام il place une confiance يعني surenchérée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala فها هنا ça fait partie كذلك du shirk قال كفر اجماعا c'est une mécréance يعني selon l'unanimité des ulama il y a aucun khilaf بينهم في ذلك نعم ف celui qui veut adorer Allah عز وجل يعبده مباشرة sans placer d'intermédiaire dans l'adoration. Abadan. Wa innama yattabi' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Son seul intermédiaire, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani lequel, à partir de sa guidée, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le suit. Il fait comme il a fait afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Faqat. Naam. Qala rahimahullah. Qala al-thalith, le troisième, parmi les waqid islam, qala man lam yakfur al-mushrikina. Aw shakka fi kufrihim, aw sahaha madhhabahum. قال الثالث من لم يكفر فديا من لم يكفر المشركين celui qui ne juge pas de la mécréance des mushrikin. Pourquoi c'est de la mécréance? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala à partir du moment qu'il a dit al-shirk, ça fait sortir l'islam. Al-shirk, ça fait sortir l'islam. Et toi, après cela, tu viens et tu dis, non, cette personne-là n'est pas un mushrik, donc ce qu'il a fait, c'est pas, ça ne fait pas sortir de l'islam. C'est comme si jamais tu étais en train de démentir une ayah. Allah subhanahu wa ta'ala, مثلاً, il évoque fait kitabihi que al-ibada lahu. Et un autre, il vient adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idhan, c'est du shirk. Donc celui qui fait ça, c'est un mushrik. Donc si jamais toi tu viens et tu dis, c'est pas un mushrik, c'est comme si jamais tu prétendais que la chose qu'il vient de faire, dont Allah Azza wa Jal, il a jugé que c'est de la mécréance, c'est pas de la mécréance. Donc c'est comme si jamais tu rejetais la ayah. C'est comme si jamais tu l'as rejeté la ayah. Comme, مثلاً, al-kahin, celui qui prétend l'avenir, les voyants. Haoula, c'est de kuffar. Bidalil, qu'on subhanahu wa ta'ala, qu'on la ya'lamu, man fi samawati wal ard, al-ghayba illa Allah. Dit qu'il n'y a personne qui ne connaît, en dehors d'Allah Azza wa Jal, il y en a dans les cieux et la terre, l'invisible. Excepté Allah subhanahu wa ta'ala, kazalik à l'avenir. Personne ne connaît, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-an, ça nous montre que c'est quoi? C'est du kuffar. Comme a dit le cheikh al-Uthaymeen wa ghayruhu. Yani prétendre l'avenir, ou prétendre voir l'invisible, tout ça, ça fait partie des mécréances. Comme c'est évoqué dans cette ayah-là. Donc, celui qui fait ça, c'est un kafir. Si jamais cette personne a dit al-kahin, c'est pas un kafir, c'est comme s'il disait que cette ayah-là, elle était fausse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a jugé de la mécréance de ceux qui prétendent l'invisible et l'avenir. Yani, c'est une erreur. En vérité, ces personnes-là ne sont pas des kuffars. Donc c'est pour ça que ça devient de la mécréance. Parce que là, il vient de rejeter, il vient de démentir un verset. Le simple fait qu'une personne a dit que Al-Alif, dans le Baqarah, Alif Lam Mim, la première ayah, le simple fait qu'ils disent que Alif ne fait pas partie d'Al-Baqarah, ou c'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk, c'est de la mécréance. C'est du kuffar. Donc que dire de celui qui va rejeter une ayah entière? Qal subhanahu wa ta'ala, « Wa man azlamu mimman kadhaba 'ala Allah » وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ عَلَيْسَ فِي جَهَنَّمْ مَثْوَلْ لِلْكَافِرِينَ. Cette ayah-là, il nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala que celui وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ, celui qui ment sur Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ, il rejette الصدق, يعني la vérité, c'est-à-dire il rejette le kitab à la sunna. فقال subhanahu wa ta'ala عَلَيْسَ فِي جَهَنَّمْ مَثْوَلْ لِلْكَافِرِينَ, n'est-ce pas que l'enfer est le refuge des kafirines? Donc ça montre que celui qui ment sur Allah subhanahu wa ta'ala volontairement, ou bien qui rejette ou dément un verset du kitab, ou bien qui rejette un hadith après qu'il sait que ce hadith là il est sahih, que personne yani ikhtalafu fi sihhati, il le rejette, et ben cette personne là il est jugé comme kafir. Qala alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin, n'est-ce pas que l'enfer yani pour ces personnes là qui ont fait ce genre d'action là est leur refuge. Donc ça montre que c'est quoi? C'est de la mécréance. Donc le fait de juger d'un jugement qui est autre que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, la siyama dans les al-nawaqid al-islam, ça fait partie de la mécréance en soi-même. Comme a dit le cheikh al-islam, rahimahullah ta'ala, par rapport au rawafid. Faqala huwa rahimahullah ta'ala, qala, attends, si je retrouve le nas, si jamais je le retrouve, in anahu qala bil ma'na, je te ramènerai le nas demain, inshallah, le livre je vais pas là. Qala rahimahullah ta'ala, que le rawafid, c'était de kuffar, et que celui qui avait un doute sur la mécréance de ces personnes-là, qu'on devait juger de la mécréance de celui qui avait un doute sur le rawafid, que ce ne sont pas des kuffars, que cette personne-là qui a un doute, c'était un kafir. Enfin, celui qui juge de l'islam d'une personne qui est kafir sur une mécréance qui est quoi? Le fait qu'une mécréance qui est muttafiq alayhi, la buddha min hadha. Parce qu'il y a des mécréances dans lesquelles il y a des ulama. Mathalan, tarqa salah. Le khilaf, il est ma'loum, la différence qu'il y a entre les ulama dans ce sujet-là. Fa'al'an, je ne peux pas dire, mathalan, un alim qui peut, mathalan, qui voit que tarqa salah, ce n'est pas un kafir. Et je vais dire, pour moi, tarqa salah, c'est un kafir. Donc celui qui ne rompt pas mécréant, le mécréant, c'est un mécréant. Donc je vais dire, le alim al-fulani, mais je peux même dire le jumhur parce que c'est la majorité des ulama qui voient cela. Même si jamais c'est une parole qui est fi al-haqiqa yani fi khilaf al-muhim. Donc c'est à dire que le jumhur c'est tous des kuffars. Pourquoi? Parce que pour moi, tarak as-salah c'est quoi? C'est un kafir. Et du fait que eux ils n'ont pas jugé de la mécréance de ce kafir là, pour moi c'est des kafirs. Non, là ça marche pas. Il faut que ce kuffar là il soit muttafiq alayhi, qu'il n'ait pas de divergence. Il faut que ce kuffar là ça soit pas yani mahloum min ad-din bi darura. des choses dans lesquelles personne n'ignore dans l'islam. Le fait maintenant de prétendre que la salat elle n'est pas wajiba, ça c'est du kufr billah azawajal. Le fait de prétendre qu'Allah n'est pas fils sama, qu'Allah subhanahu wa ta'ala là il y aura yawm al-qiyamah, qu'on ne voit pas yawm al-qiyamah, il y en a les mu'minin, que les mu'minin ne voient pas yawm al-qiyamah. Et d'autres choses, il y en a celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala. Je viens, je dis, non, celui qui insulte Allah azawajal, c'est pas un kafir. Ana al-kafir binafsi. Ana al-kafir binafsi. Pourquoi? Parce que j'ai pas jugé de la mécréance de celui qui quoi? Qui est mécréant. Donc je dément. Il y en a les preuves qui prouvent que c'est un kafir. Je suis en train de démentir sans savoir des preuves, yani, qui prouvent que c'est un kafir. C'est pour ça qu'on l'a rendu mécréant. Celui qui ne rend pas mécréant, mécréant, pourquoi il est mécréant? Parce qu'il est en train de démentir par cette démarche-là les adillah min kitab wa sunnah. Lakin tout ça, Bartlofik, yani, ça demande yani, pour la personne, bil mu'ayyan, un individu, iqamat al-hujja. Parce que peut-être qu'il ignore que c'est du kufr, il a khid la bouddha min iqamat al-hujja. Lakin nous, on parle d'une manière générale. De manière générale, ensuite, lorsqu'on doit appliquer, comme on a pu voir, awalam c'est le ulama, et sanyan, il ne faut pas avoir de l'istihjal, parce qu'on est dans un zaman, fihi al-kufr, al-jahl, yani il est kathir. Il y a beaucoup d'ignorance. Qala au shakka. Soit il ne le rend pas, yani kafir, ou bien qu'il a un doute, yani. Il a un doute sur cela. Il a un doute sur cela. Au sahaha, madhhabah muwaza, c'est encore pire. Ça, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il juge, yani, de sa mécréance qu'elle est sahiha. Il le dit. Comme ceux qui disent, mathalan, que ar-rawafid, ce n'est pas des kuffars. Et qui disent, yani, mathalan, sur les choses qu'ils font, que ça ne fait pas partie du kufr, comme le fait d'insulter Abu Bakr ou Omar. Ils disent, ça ne fait pas partie de la mécréance, alors que ça fait partie de la mécréance, yani, al-sahih. Ou bien d'autres choses parmi les choses qu'ils font. Je juge, yani, de ce qu'ils font, que ce n'est pas de la mécréance. Ça, c'est encore pire. Beaucoup plus pire que celui qui dit ils ne sont pas mécréants. Il n'a pas dit lakin, ce qu'ils font c'est de l'islam. Lakin, ça implique cela. Lakin, celui qui le dit ouvertement et clairement, ce qu'ils font c'est de l'islam alors que c'est du kufr, Ada c'est encore pire. Ada c'est encore pire. Parce que comme on a pu voir, tout cela c'est démentir les preuves du kitab et de la sunnah. Naham. Comme مثلاً يعني Al-Qardawi, on prend un exemple qui est wadih par rapport à ça. Al-Qardawi, qu'est-ce qu'il avait dit? Non, c'était pas le Qardawi, c'était l'autre là. Comment il s'appelle? Ce qu'a dit Shaitan, le Makafar, j'ai oublié son nom. Amr Khalid, je crois. Amr Khalid, ou je sais plus comment il s'appelle. Un égyptien, je pense. Il a dit que le Shaitan, il n'est pas. C'est pas un mécréant. T'as dit le Shaitan, Makafar, n'am. Hada, مثلاً, ça c'est du kufr wadih. Yani, l'un, Shaitan, c'est akfar al-kafirin. C'est le plus grand des kufars. Et on dit que Shaitan, c'est pas un kafir, ça rentre dans ce naqid-là. Celui qui prétend cela, il rentre dans ce naqid-là. Il a dit Amr ibn Khalid, oui, il entend, il a dit ça. Amr ibn Khalid, il a dit comme ça, Shaitan ma kafarsh. Ah non, en darija. Alors, c'est ça. Si jamais c'est pas un kafir, il y a pas une troisième demeure. C'est soit l'enfer, soit le paradis. Et ben lui, il l'a dit. Il a dit Shaitan ma kafarsh. Ça rentre dedans. Et l'an ma kafara, ezak al-iblis. Ma kafara fi. Fahada kufrun bihi. Parce que Iblis, ça c'est wadih jiddan, tu vois. Ça, il n'y a pas de niqash, il n'y a pas de débat sur ça, tu vois. Il n'y a pas de débat sur ça. Ça fait partie de nawaqid l'islam. Les ulama, ils ont kafar. Comme Sheikh Ibn Hizam, hafidhahullah ta'ala, il a dit, il fait partie des plus grands zindiq dans notre époque. Kataïk, il a évoqué Al-Qardawi, avec ses paroles, qui font sortir de l'islam, même si jamais c'est pas dans le même sujet, lakin qui font sortir de l'islam. Il a dit, kataïk, il fait partie des zindiq. Naham. Fa ash-shahid hada, ça fait partie de quoi? De nawaqid l'islam, celui qui ne juge pas de la mécréance de celui qui est mécréant bittifaq. C'est comme ça qu'on doit dire, d'accord? Lorsqu'il a dit man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum, tout cela c'est bittifaq, c'est-à-dire qu'il juge pas de la mécréance d'une personne qui est kafir bil ijma', d'accord? مثلاً l'abbé Pierre, مثلاً moi j'avais entendu cette parole là, tu vois, après j'ai entendu, lakin c'est des gens qui m'ont rapporté. J'ai pas entendu la personne qui me l'a dit, tu vois. Mais à ce qui paraît, il y avait des gens qui, lorsque l'abbé Pierre est mort, ils avaient un doute. Est-ce que l'abbé Pierre va aller en enfer? Est-ce qu'il fait partie des gens de l'enfer? Tu vois. Le frère qui m'a posé la question, j'ai dit, mais par rapport à quoi, yani, sur quoi il se bosse pour avoir ce doute-là, là? Tu vois. Ils disent, non, mais il a fait du bien dans sa vie. Il a fait du bien, il a nourri des pauvres, il a construit des orphelinats, il a fait ceci, cela. J'ai dit, mais Est-ce que vous savez ce que c'est l'islam ou pas? Vous avez oublié l'islam? Qu'est-ce que c'est l'islam? La personne n'a pas shahada Muhammad Rasulullah, pas la shahada Allah Allah Muhammad Rasulullah. Toutes ces œuvres-là ne sont pas comptées. Il n'a pas la base. Il n'a pas le miftah. C'est comme si tu me dis qu'il est en train de construire une maison et commence par le toit et ne fait pas de fondation. Ben ça va s'écrouler sur lui, ça ne va pas marcher. Kofar Quraysh, parmi eux, il y avait des personnes qui avaient un bon comportement avec les voisins. Parmi eux, il y avait des personnes qui faisaient sadaqa. Qui faisaient des années amal al-dir. Ils avaient de bonnes actions. Mais est-ce que ces bonnes actions-là leur ont suffi? Non. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la mécréance dans les cœurs. Cette personne-là, elle a de pierre. Et rien nous prouve. Et comme on a pu voir dans Nawaq al-Islam, au début, j'avais dit, comment on juge de l'islam de quelqu'un? On le juge par certitude. On sait que cette personne-là, il a attesté en la ilaha illallah. Et si Allah Azza wa Jalla, il lui a donné de la vie, il faisait partie des gens qui priaient. Ah, mais celui qui dit la ilallah, et puis ensuite il est mort, ça c'est une autre histoire. Donc l'abbé Pierre, il a une longue vie. Et rien ne nous a été apporté que avant de mourir, ou à un instant de sa vie, il a prononcé « Ashahada ». Rien de ça nous a été apporté. Laquelle, nous, on a quoi? Une certitude. Que c'était un chrétien pratiquant « Ilakhirihi ». Donc ça, c'est la certitude. On ne peut pas avoir un doute après qu'il y ait une certitude. La certitude chez nous, c'est que c'est un kafir. On ne peut pas avoir de doute que c'est un musulman. Parce qu'il n'y a rien qui nous prouve cela, qui est dans sa vie, il a prononcé, ou bien ceci, cela, ou bien quelqu'un rapporte, tu vois. Et le fait qu'il a fait du bien, ça c'est... Il y a un hadith Anas ibn Malik, qui montre que le kafir, il peut faire des œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le kafir, il fait des œuvres, il est mukhlisan lillah, pour Allah. Lakin, ça va lui servir à rien, pourquoi? Parce qu'il n'aura pas de récompense, parce qu'il n'a pas l'iman, bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a des nawaqid. Il dit à Allah subhanahu wa ta'ala que dans ce hadith là que ces personnes là Allah azza wa jalla il va leur donner un risque fi dunya par rapport à la bonne action qu'il a fait fi ad-dunya. Il va lui donner un risque fi dunya, mais il va rien lui donner fi l'akhirah. Amal mu'min, celui qui fait une bonne action, Allah azza wa jalla il va lui donner un risque fi dunya et il va lui garder la plus grande récompense qui est fi l'akhirah. Donc ça montre bien que le kafir il peut faire des bonnes œuvres. Même il a évoqué dans le hadith Nabi Sam que c'est quoi Hassanat. Il a dit comme ça. Je te donne le hadith comme ça, tu vas le. Si jamais tu vois la traduction. An Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah la yadlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fi dunya, wa yuza biha fi l'akhirah. Allah Azza wa Jal n'est injuste envers personne. Le musulman, s'il fait une bonne action, Allah Azza wa Jal va lui donner une récompense fi dunya et il va le récompenser avec elle fi l'akhirah. قال واما الكافر فيطعم بحسنات عمل بها لله في الدنيا حتى اذا افضى الى الاخره لم يكن له حسنات يجزى بها. تذكر الكافر قال سبحانه وتعالى va lui donner par rapport à son action qu'il aura fait pour Allah عز وجل et لله في الدنيا, il va lui donner juste une action في الدنيا et pas d'action, il va pas lui donner une récompense في الاخره. حديث في مسلم. Donc ça veut rien dire ça, il n'y a qu'un kafir qui fait des bonnes œuvres. Tant qu'il n'a pas d'islam, maintenant ces personnes-là qui ont jugé, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est grave. S'ils ont jugé de l'islam de l'abbé Pierre, ah, c'est un problème. S'il dit c'est un musulman, ah, là c'est un problème. Ah, là c'est khater, on ne juge pas de mécréants, lakin, il faut appeler les ulama, il faut leur dire, Fulan il a un problème. Il a un problème, Fulan il a un problème. Qu'est-ce qu'on veut avec lui, Allah musta'an. Donc voilà, Inch'Allah, ça c'est mon résumé, il y en a de ces deux nawaqid qu'on a pu prendre, le premier, le deuxième et le troisième. Man ja'ala baynahuma bayna Allahi wasa'it, et celui qui la yukaffir al-mushrik al-muttafiq alayhi. Ces deux-là, ça fait partie d'un nawaqid de l'islam, ça annule l'islam. Donc Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, Rasulullah Azza wa Jal, anfa'ana wa yaak bima sami'ana.